Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbé nous parle de Frank Zappa dans sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Paul is dead. Et peut-être, si vous êtes sage, il y aura une chronique CNX. Oh, Assemblage requis commence tout de suite. Bon après-midi et bienvenue à l'émission Assemblage requis en compagnie de Kiwan et Mathieu, votre émission du retour en pièces détachées. Oui, bonjour à vous, bonjour Kiwan. Salut Mathieu. Ça va? Oui, très bien. Oui, parfait. Et toi, ça va bien? Ça va, oui. Merci. Good. Quelle complicité ici, hein? C'était beau. Ouais. Aujourd'hui à l'émission, on va recevoir Simon Fitzbé qui va venir nous parler de Frank Zappa. On sait pas, j'ai entendu quelques rumeurs là, assez juteuses là, par rapport à ça, donc il va nous en parler tout à l'heure dans ses chroniques. Eh ben. Comme on disait, si vous allez être gentil, parce qu'on sait pas si vous allez être gentil là, par l'émission, je veux dire, à un moment donné, il va falloir que vous avez des comptes à rendre, si on veut. On va demander des questions. Ouais. Donc, tout ça pour dire qu'il va y avoir une chronique CNX tantôt avec Danny Janvier qui va venir nous parler de Heavy Rain. On met de la pression sur le gars pour qu'il vienne, là. C'est d'ici la fin de l'émission. Et plein d'autres choses, plein de bonne musique, plein de bonne humeur, plein de jeux de mots, probablement encore, sûrement, au moins une couple. Ben sûrement moins douteux que ceux d'hier, j'imagine. Ouais. On les prévoit pas d'avance, ces jeux de mots-là. Hein? Fait que ça donne ce que ça donne, c'est ça l'affaire. Il nous faudrait des scripteurs et un public en canne pour en rire. Et tout ça accompagné d'un budget, évidemment. Ah, un budget. Ouais. Bon. Mais pour l'instant, on va commencer en musique. Commençons avec les trois accords. Voici Croquer les coups. Assemblage requis. 89.5. Personne ne trouve que c'est tout à fait sain, que tu t'habilles en parfait Sébastien, que tu

ancient business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing, the elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission. C'était Vampire Weekend avec la pièce White Sky qu'on vient d'entendre à l'émission Assemblage requis. Sur les ondes de C'est fou, 80 FM. Tout à fait, Mathieu. C'était une voix virile que t'as pris là, je trouvais. Moi? Ouais. Pourquoi? Ben, mais non, mais c'est évident là, que c'est moi qui représente la virilité dans cette émission-là. Tu pues le gars! Ouais, c'est ça. Ouais. Quoi neuf, toi, à parler de ça? Écoute, ma façon de transitionner vers un autre sujet, comme, mettons, du Shake It Corrida. Ah, OK, tu veux qu'on parle des mardis de relève qui avaient lieu hier soir? Non, du tout, non. C'était une soirée quart de finale dont on ne parle pas présentement. OK. Puisque tu veux pas qu'on en parle. Non, j'aimerais mieux pas. Et c'est ça, il y avait le groupe Love Beach, entre autres, qui était là. Il y avait aussi le groupe Gab et No Man's Land. C'est les trois groupes qui étaient en compétition hier pour le quart de finale. Et je te dirais que ça a été une soirée plutôt facile pour les juges, ben, dont pour toi. Les juges, oui, entre autres. Parce que tu étais juge, ouais. C'est ça la raison que tu étais là, pas juste en tant que public. Là, hein? Ouais, c'est pour la raison pour laquelle je vous en parle pour la première fois de l'année. T'sais. Ben oui. Hein? Je n'ai jamais parlé avant de. Non, c'est pas parce que j'aime pas les mardis de relève, parce que hier j'étais là. D'habitude, ouais. Je suis pas là. C'est juste pour ça. Oui, c'est ça, c'est Love Beach qui ont remporté quand même assez facilement cette ronde quart de finale. Et Love Beach, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe qui est né des cendres de Shake It Corrida, puisque Shake It Corrida n'existe plus. Shake It Corrida qui est un groupe de Trois-Rivières, un excellent groupe en fait, ouais. De Trois-Rivières. Puis c'est trois des membres de Shake It Corrida qui ont formé un nouveau groupe qui s'appelle Love Beach. Et je crois, Mathieu, et là il va y avoir du behind the scene ici, okay. Mais je crois que sur le MySpace de Shake It Corrida, c'est une composition de Love Beach. Est-ce que ça se peut? Tu veux que je cherche une composition de Love Beach? Non, je vois juste du Shake It Corrida, mon cher. C'est dommage, hein? Mais c'est comme ça. Ben, on va écouter une pièce de Shake It Corrida devant. On dirait bien! C'était pas du tout arrangé, ça. Tu sais? Parce que... Laquelle? Je sais pas. La il existe sûrement un MySpace pour Love Beach. On pourra se renseigner. Uh-huh. Faire notre travail d'animateur. C'est pas comme si j'étais en train de chercher pendant que tu parlais pendant les deux dernières minutes. Pas là, comme mais si bon. On n'avait pas eu 10 minutes avant pour tout préparer ça, mais qu'à la place, on a placoté. Et voilà. Hein? On aime ça comme ça. Ça s'appelle du professionnalisme, Kiwan. Ah, surtout quand on le raconte hein, comme ça à la radio. Ça, c'est du du surprofessionnalisme. C'est ça que le monde aime. Je te le dis, moi, j'y connais les requins, puis ils aiment bien ça entendre parler de ces affaires-là. Mm-hmm. Voici Don Carlos, de Shake It Corrida. Assez fou. If I see you again, waving at me with that pathetic smile that I fake, being happy to see you and say hello like I should. But if there's something empty as your pocket, trust me, we'll take all your change to get me. travail du monde de même. Le blues des poumons. Ma jupe, c'était très très bon. C'est sur leur maxi Control, hein, que Danny aussi aime. C'est beaucoup, là, autant que moi, genre. Ben oui, j'aime ça, cet album. On l'entend moins, celle-là, je trouve. Ouais, j'avoue. Un peu moins. Bon, donc ça, c'est Danny Janvier. Et la raison qu'il est là, c'est pourquoi déjà, Kiwan? Ben, on va-tu se faire une chronique CNX comme ça, là? Une fois de temps en temps, hein, juste là, comme ça donnerait bien. C'est comme plusieurs affaires par-dessus l'autre, ça, mais attends. C'est supposé être... Ah! C'est ça, critique de jeu, tu vois, ouais, c'est vraiment super. Attention, on va partir pour de vrai, OK? Hein, c'est comme, faut que j'avertisse le monde quand que je fais des erreurs puis que je remets les choses en place pour que ça sonne comme faut, hein. C'est beau, ça. Ben, c'est superbe. Merci. Donc, Danny Janvier, bonjour. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Kiwan. Salut. Salut, salut. Ben, c'est ça, cette semaine, finalement, c'est moi le geek. Oui, parce c'est que moi, le plus geek de la radio. Moi, les technologies puis tout ça, m'oublie ça, là. Moi, je mettrais la hache là-dedans, ou une fourchette au moins. Si tu te fies sur moi pour la geekitude de ton émission. Pour remplir le quota de geek, ouais. En tout cas. J'ai toujours un petit côté geek, mais j'aime quand même les bébelles et tout ça. Tout le monde a un côté geek à l'intérieur de lui-même, presque. Il y en a qui ont un côté féminin, mais c'est plus ou moins gros, là. Geek. C'est féminin, puis en plus geek. Geekette. C'est mieux. Cette semaine, les gars, je vous parle de Heavy Rain. Ah oui! Heavy Rain, qui est un jeu, un thriller interactif. Le nom complet, c'est Heavy Rain et le tueur à l'origami. Oh. Donc, le but, c'est... Ben, à la base, c'est un nouveau jeu. Tu veux-tu baisser un peu ton son? Le son, il est fort dans mes oreilles. Excuse-moi, c'est Mathieu. C'est oui, la trame était forte. Je suis complètement déconcentré. C'est parce qu'elle est bonne, tu comprends? Oui, oui, ouais, c'est ça. Fait que je suis porté à l'écouter. Ben, donc, je te comprends, donc. Heavy Rain, le tueur à l'origami, eh bien, ben, c'est un jeu trailer interactif et qui rappelle un peu les livres dont vous êtes le héros. Je sais pas si vous avez joué à ça, les gars, les livres dont vous êtes le héros. Moi, j'ai beaucoup joué à ça, mais là, c'est en jeu. C'est un nouveau concept totalement. C'est un jeu qui est disponible seulement sur Sony. Et puis, on essaie de régler une enquête, finalement, de conclure une enquête. Et puis, on joue quatre personnages à la fois. Le tueur à l'origami, lui, s'attaque à des jeunes garçons âgés entre 8 et 12 ans, puis il laisse toujours dans la main du jeune... une petite figure en origami. Il coupe un petit peu le poignet avec ça, mettons, non? Non. C'est seulement qu'il laisse un indice. Tu sais, les tueurs en série sont comme ça. Ils veulent pas se faire pogner, mais ils veulent se faire pogner d'une certaine façon. Ils veulent devenir populaires plus tard. C'est ça, parce qu'il était vraiment weird et spécial. Donc, ce tueur-là, ben, c'est ce qu'il fait. Alors, on peut incarner, comme je te disais, quatre personnages, dont Ethan Mars, qui est un architecte et le père du jeune garçon sur qui on va faire l'enquête. Parce que déjà, quand le jeu commence, eh bien, il y a déjà eu quelques meurtres d'autres garçons. Et là, à un moment donné, c'est notre garçon qui se fait enlever. Et puis, ben là, on capote un peu. Donc, on joue le rôle d'un architecte très dépressif. Le titre du film, on peut quasiment appeler ça un film. Ça joue comme un film, quasiment. Oui, puis en plus, c'est écrit par un gars qui écrit des scénarios de jeux et de films. Ah, c'est bien. Il s'appelle David Cage. Il a fait Fahrenheit aussi comme jeu, qui était, je pense, aussi seulement sur Sony. Mais en tout cas, c'est vraiment un trailer de film. Donc, le jeu commence. On est comme ça, on est vraiment dépressif. Et puis, là, on se fait enlever notre enfant. Et puis, il y a quatre autres personnages dont qui font l'enquête. Dont Madison Page, qui est une journaliste, ma foi, tellement sexy. Ah oui. Et puis, gare à vous, cher jeune homme, il y a plein de scènes de nudité dans ce jeu. Kiwan, bouche tes oreilles. Oui, quand on incarne Madison Page, c'est assez intéressant parce que, à un moment donné, on est dans son appartement, on peut aller prendre sa douche. Et puis, c'est pas comme des Sims, là. Hein? Non, c'est pas mal mieux. Très explicite et elle a un corps, ma foi, magnifique. Corporel. Non, mais pour vrai, maintenant, avec la PS3, on va dire, c'est tout près du vidéo. Et, oui. C'est presque mieux parce qu'on l'arrange. Elle est parfaite. Hein? Les gars, ils ont travaillé, ils l'ont modelé. Ils l'ont mis comme ils aiment. Mm-hmm. Donc, on peut incarner cette Madison Page. On peut aussi incarner, et celui, ce personnage-là est très intéressant, il s'appelle Norman Jaden. C'est un profileur du FBI. Donc, lui est assez brillant. Lui, c'est un profiteur du FBI, mais accro à une certaine drogue. On ne sait jamais quelle drogue, mais il est vraiment souvent accro. Et des fois, justement, tu te sens en manque, l'image vient vraiment floue, et là, t'as des des décisions à prendre. Est-ce que tu prends ta dose? Est-ce que tu essaies de résister? Est-ce que tu vas te coucher? Et chaque décision va mener à une fin différente. Il y a environ une vingtaine de fins différentes. On peut tout simplement pas trouver le meurtrier. On peut mourir durant l'enquête. On peut aussi trouver le meurtrier et régler tout ça. Et puis, les quatre personnages, finalement, nous permettent de finir l'enquête. Moi, je vous dis, la première fois que je l'ai fait, mes quatre personnages sont morts. J'ai pas été capable d'arriver. Mais la façon de jouer est vraiment intéressante. On appelle ça le MPAR, le Motion Physical Action Reaction, qui est avec le six axes du PS3. Parce que dans le PS3, bouger la manette. On a vraiment un axe. On peut bouger la manette un peu du style de la Wii, mais encore presque plus évolué. Et puis, on peut jouer vraiment avec des mouvements qui se font à l'écran. Le gars, il rouvre une poignée de porte. Eh bien, il va falloir faire avec le joystick le mouvement d'ouvrir une poignée de porte ou de bouger la manette. Fait que c'est toujours assez réaliste. Mais bien sûr, on reste toujours dans le jeu vidéo, mais ça ressemble toujours au mouvement réel, finalement. Quand on se bat, on va donner un coup de poing. Eh bien, il faut qu'on fasse le mouvement du bras, non juste peser sur un bouton pour donner un coup de poing. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est assez difficile. La démo est disponible depuis quand même quelques temps. C'est un jeu qui est assez récent. Le hic de ça, c'est justement que c'est une histoire avec une fin. Hein? Puis on essaie de trouver un tueur, donc une enquête. Même si on a une vingtaine de fins différentes, ça reste que c'est toujours le même tueur qui tue. Là. C'est pas un nouveau tueur à chaque fois. Ouais. Sauf que la façon de trouver qui a fait le meurtre. Puis quand tu y vas au feeling la première fois, mettons, tu fais les affaires comme ça te tente de les faire. Puis après ça, il faut que tu te rappelles qu'est-ce que tu avais fait l'autre fois avec ton feeling. Puis là, y aller contre ton feeling pour réussir à avoir une autre fin. Hein? Exactement ça. Ouais. Comme des fois, quand t'es Ethan Mars, tu as une histoire d'amour avec la journaliste. Et puis, t'apprends tout. Que Monet est un petit peu, un petit pas de traître, mais je veux dire, elle enquête sur toi aussi, puis elle te le dit pas. Finalement, c'est une façon détournée qu'elle t'a séduit un peu, mais finalement, il y a quand même de l'amour. Mais là, c'est, t'apprends ça, est-ce que tu lui pardonnes ou non? Et là, ça va faire de quoi différent. Mais mettons ton feeling, tu dis oui, mais là, tu te rends compte que c'est pas bon. Fait que là, la prochaine fois, tu vas le faire, tu vas faire non. Donc, c'est intéressant, mais je sais pas, t'as comme les défauts de tes qualités, finalement, dans ce genre de jeu. Est-ce que c'est vraiment toutes les décisions que tu prends qui ont une répercussion ou certaines ont un petit peu moins? C'est sûr qu'il y a certaines décisions qui vont avoir moins de répercussions à la fin du film ou du jeu. Mais tu sais, d'autres décisions peuvent être comme, je prends pour Ethan Mars, le père. À un moment donné, t'es quand même assez proche de trouver, t'as quand même beaucoup d'indices. Puis là, on te demande. T'arrives dans une pièce toute blanche, immaculée, et puis il y a un genre de vidéo qui joue. Là, on dit, il vous manque quelques indices, on est prêt à vous donner les indices qui vous manquent, et vous devez boire ce liquide. Si vous buvez ce liquide, vous allez mourir dans une heure, mais on va vous donner les indices. Fait que là, tu dis, bon, est-ce que je sauve mon gars, je meurs, ou non, j'essaie de trouver par moi-même, parce que tu réussis à trouver ton gars, finalement, tu meurs... 15 minutes après, c'est quand même pas nécessairement une fin si heureuse pour ton garçon. Au moins, t'as fermé la parenthèse pour toi quand même, mais pour ton garçon. Tu comprends, tu sais, je veux dire, pour un enfant qui perd son... Tu sais, il vient de se faire enlever, il perd son père, en tout cas. Ouais. Fait que tu sais, c'est toujours des questions très morales aussi. C'est philosophique. Oui. Mm. Puis c'est selon, justement, comme je te dis, c'est moral. Il y a un des personnages... aussi qui est assez spécial, le détective privé, assez spécial aussi, gros monsieur avec un passé assez mystérieux, assez intéressant. Et puis, le but de Quantic Dream, la compagnie qui a fait ce jeu-là, c'est aussi d'envoyer, de pouvoir updater, mettre du contenu qui va se télécharger avec le temps. Parce que la vie du jeu est pas très longue. La vie du jeu, je vous dis, si vous prenez votre temps, d'après moi, en 7-8 heures, c'est clair, vous passez au travers. Et j'ai vu des gens en 2-3 heures le finir. Là, est-ce que tu t'es essayé plusieurs fois, toi? Moi, j'ai essayé deux fois. Un de mes amis l'a essayé 2-3 fois aussi. Ouais. Et on est tous allés revendre notre jeu. Ouais. Moi, je vous conseille d'aller le louer, ce jeu-là. Mais pas pour une journée. Là. Mettons une Blockbuster, il y a 7 jours ou une fin de semaine. Là. C'est assez. C'est parce que vous allez vraiment triper. Là. C'est vraiment un bon jeu. Les graphiques sont magnifiques. La façon de jouer est vraiment différente. Mais la durabilité du jeu est un peu moindre. Et on semble s'en aller vers ça. De plus en plus, les jeux semblent avoir une durée de vie beaucoup plus courte. Encore là, il n'y a pas de mode non plus en ligne. Il n'y a pas de mode multijoueur. Encore un petit hic là-dessus. Donc, peut-être pour Heavy Rain 2, sûrement qu'il va y avoir une suite à ça. Sûrement. Même déjà, il commence avec... ça serait peut-être même pas Heavy Rain 2, ça serait Heavy Rain avec un autre nom. Au lieu d'être le tueur à l'origami, ça serait une autre enquête. Parce que déjà, on en parle. Parce que ça a fait beaucoup, beaucoup parler. Et, mais ça a monté et ça a descendu beaucoup rapidement. Parce que étant donné la longueur du jeu, c'est un peu, c'est le hic. Si j'aurais une note à donner, ben, je dirais peut-être encore un 8. Parce que justement, pour toutes les nouveautés apportées dans le jeu, les graphiques, les textures, étant donné que c'est un jeu exclusivement c'est PS3. Ça. C'est plus beau que les autres qui sont multi-consoles. C'est hallucinant. Par contre, prévoyez du temps de download et d'installation et de téléchargement. Ça, c'est quand même assez long. Par contre, un coup, le jeu est parti, aucun bug, rien. Tout est très, très fluide. La musique est magnifique. C'est vraiment une ambiance. Tu t'immerses dans un film, c'est un peu ça. C'est un peu d'entrer dans un film. Et puis la façon de jouer aussi, c'est vraiment... On dirait... Moi, je regardais des gens jouer, puis je trouvais ça aussi intéressant que regarder un film. Mm-hmm. Parce qu'il y a une enquête, il y a un fil. Maintenant, on rentre dans une discothèque là, avec le Norman Jaden, le profileur du FBI. Puis chaque personne dans la discothèque danse différemment. Et c'est tellement humain, ça n'a pas l'air du tout... Tu sais, avant, tu rentrais d'une place, on dirait que tous les bonhommes dansaient tous en même temps, tous pareil, peut-être des fois un petit peu décalé. Là, c'est pas ça, c'est... Tu passes, puis t'as l'air à déranger du monde, tu sais, quand tu te faufiles à travers les gens. Donc, c'est à découvrir, et comme je dis, peut-être à louer sur une assez longue période, là, pour pas se stresser non plus. Mais c'est en gros, c'est ça qui est Heavy Rain. Pas de pression, pas de pression. Toi, qu'est-ce que tu penses du futur, toi, pour, mettons, un jeu comme Heavy Rain, pour avoir encore plus d'immersion? Est-ce que tu penses qu'une plus grosse TV, mettons, pourrait te donner encore plus d'immersion dans un jeu comme ça? Ou est-ce que la 3D, selon toi, ce serait le futur? Ça m'intrigue, moi. Pour l'instant, la 3D et la télé, moi... Ça me touche pas beaucoup. Même au cinéma, je trouve qu'on essaie de... Avatar était merveilleux. Ouais. Mais là, on dirait que tous les films essaient d'être en 3D, même quand ils sont pas tournés en 3D. À la base, ça donne des résultats plus ou moins heureux, je trouve. Comme Clash of the Titans. Oui, exactement. Ouais. Tout le monde que j'ai vu qui l'ont vu en 3D ont trouvé ça décevant parce que on n'avait pas besoin. Le film est assez grandiose. Ouais. On est encore capable de regarder un écran à plat, je pense. On n'a pas besoin d'être toujours dedans. Je pense qu'on va se le faire rentrer dans la gorge, le 3D. Je pense qu'ils vont pas mal nous obliger à passer. Mais c'est bizarre parce que, gars, on dit que les normes 4 tiers là, vont finir en 2011 officiellement. Puis aucune émission en carré, là. Exactement. Mais après, ça va être quoi? Ça va être la norme 3D ou on va tomber au 720, au 1080? Ah. On est dans des normes un peu bizarres. On est dans un genre de zone grise de normes vidéo bizarres. On dirait que dans tous les domaines, on est en comme période de transition qui est là depuis longtemps et va durer encore pendant un bout. Oui, on est dans le trop beau ou le vraiment laid, le cheap, 640, 480. En tout cas, je sais pas. On va voir, mais essayez quand même de voir Heavy Rain. Là, si vous avez un ami qui a une PS3, ça vaut la peine de voir ça. Moi, je me suis acheté une PS3 à cause de ça au début. Ben oui. Parce que je regardais, j'étais là, ça se peut pas, c'est rendu là une console. OK, ah wow. T'as acheté la console pour ce jeu-là et puis tu t'es débarrassé de jouer après une semaine. Après même pas une semaine. Mais au moins, tu l'as maintenant, c'est fait là. Ben exactement. Ça te prenait une bonne raison. Exactement. Puis tu l'as eu. Bon. Exact. Donc, tu nous as donné ta cote qui était 8 sur 10. Regardons les cotes sur metacritic.com qui rassemble 104 criniqueurs reconnus internationalement. Donc, ça donne 87, donc 8,7 sur 10. Selon la communauté, c'est 6,2. À cause de la longueur. Sûrement. Parce que la communauté, ils l'achètent le jeu, tandis que les critiques, eux, se le font donner. Hein. Puis eux autres, en date d'une journée, ils ont fait peut-être le tour de la moitié ou du trois quarts. De toute façon, ils s'en foutent. Eux autres, c'est de dire un peu ce qu'ils en pensent. Puis... Ouais. Mais les gens qui payent pour le jeu à 65$ ou 60$, tu fais le tour. Hein? Tu fais le tour vite, tu l'as un peu plus dans la gorge. Ouais. Heavy Rain sur PlayStation 3, c'est exclusif d'ailleurs à la PS3. C'est édité par Sony Computer Entertainment, développé par Quantic Dream dans le genre aventure pour un seul joueur. C'est coté 17 ans et plus, donc mature, et c'est sorti le 23 février 2010. Merci beaucoup, Danny Janvier. Merci les gars, puis bon show. Merci, à la semaine prochaine, c'est ça. On se revoit avec Uncharted 2. Ouais, une dernière, là, peut-être. Là, bien finir ça. Ouais. Hey, salut les gars. On le retrouve au dîner de compte du lundi au jeudi entre 11h et 13h. Et c'est même assez fou. 89 FM. Oui, et toutes les chroniques CNX dans l'émission Assemblage requis ici sont réunies dans l'émission CNX.zip, n'est-ce pas? Oui, c'est jeudi matin à 10h. Moi, je vais être là. Donc, soyez-y, vous aussi. On fait une pause tout de suite? OK. Puis on revient après, c'est ça? On revient après. T'es sûr? OK. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Thank you. The Bicycles et la pièce One Twist Too Much, un classique ou un classic gold hitter des Palmarès. Comme on dit. Comme on dit, comme je dis. Une pièce quand même courte, hein? Ça oui. passe rapidement. One Twist Too Much. C'est ça. C'est comme une twist, hein? Quand t'as la twist, ça te pogne puis tu fais ça pendant quelques secondes, tu te tannes, tu sais. Je suis pas un grand danseur, fait j'ai aucune idée ce que c'est. Ah non? Ouais, non. Ah ben c'est drôle, tantôt, Danny, dans sa critique du jeu... Heavy Rain. Parlait des bonhommes qui dansaient dans le jeu, tu sais, puis c'était très réel. Puis tu sais, il dit, quand tu rentres dans un... C'est vrai, tu sais, quand tu rentres dans une place, d'habitude, le monde danse pas tout pareil. C'est très drôle parce que je suis allé dans un party à Victo Power en fin de semaine, puis les gens dansaient le Continental. C'est quoi, c'est le Continental? Tu peux montrer? Non, pour vrai, tu connais pas le Continental. Non, je pourrais pas danser. Moi, je connais pas ça, justement. Mais là, je me suis donné comme mission d'apprendre à danser le Continental. Tu sais, c'est la danse que tu danses en ligne, là. Tout le monde danse en même temps, puis là, ils te font comme tourner en rond. Ah ouais, wow! Comme... En ouais, ben ça paraît, c'est comme moi. C'est comme la radio 3D, tout ça, ouais. Oh, Colin, tu peux comme. Ouais, ouais, ah, tu vois, genre. Wow! Déjà, ouais. Ça me donne envie de l'essayer, moi aussi. Hey, c'est malade. Parfait ouais. De ballon-ballet, hein. Rock on. Ouais, tu me rejoins vraiment beaucoup avec ton Continental et ton ballon-ballet. Tu me connais bien. Vous êtes Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées. Il nous reste beaucoup de temps, l'émission 1h10. Mais beaucoup tantôt. De temps pour danser. Oui, ben, ça, même quand l'émission est finie, continuez, hein. Continuer, on vous empêchera pas de danser. Là. Tantôt, on va recevoir Simon Fitzbay avec sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Paul is Dead. Aujourd'hui, il nous parle de Frank Zappa. Donc, faudrait pas manquer ça. Hein? Faudrait pas manquer ça. Non, on manquera pas ça, Mathieu. Zappa de raison de rater ça. Hein? En attendant, Zappa de raison. Zappa, ah, wow. Zappa de raison. Zappa de raison. Quelqu'un qui a un accent ou qui zazoterait, genre. Zappa de raison, tu baisses de l'as. En plus, c'est un jeu de mots que tu pourrais appliquer à peu près à toutes les phrases. Je pourrais s'appliquer ça. Ouais. Tu veux dire que je pourrais s'appliquer. Je savais. Ouais. Pauvre Simon. Pauvre gens qui viennent de zapper de poste. Jamais fait ça là. On retourne en musique? Ouais. On va écouter un petit peu de Human Highway, un autre classique du palmarès. Voici Moody Motorcycle au 89 FM. Ah, c'est bon ça. Zappa, zappa. Zappa d'allure. Zappa d'allure. I had an easy alibi. Well, don't cry. I'm an animal. Keys in ignition underway. A kickstart, angry unraveling. Out of control, carelessly managing. Drove out to the city. Am I mute but still? Moody motorcycle. No one will ever find me here. Leaving my will. Moody motorcycle. trouve que pour la qualité que tu as eue, tu as payé cher un peu. Mais bon, c'est chacun selon. Hein? Ouais. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. C'est pas important c'est de quoi on parlait. Mais ben, tu peux pas s'empêcher de revenir en ondes en parlant de ce dont on parle à chaque fois. Je trouve ça le fun. À tous les jours. C'est le fun. C'est le fun pour les requins. Ben oui, pour les requins, parce que les requins, ils aiment ça. Moi, je le sais, ils aiment les requins. Ils aiment ça ne rien comprendre. Et voilà, c'est de la confusion totale. Mais la deuxième heure, elle, va être parfaitement simple, parce qu'on va recevoir Simon Fitzbé, qui va vous révéler la vie et des mythes par rapport à Frank Zappa. Donc, c'est à Zappa manqué. Oh, quand même, hein? Restez là. Ah, t'aimes ça comment je freestyle sur l'ID, hein? C'était beau, hein? Ah oui. Hein? T'aimes ça? De toute beauté. Ben, merci beaucoup. T'as un beau thème de voix, Mathieu, pour faire ça en plus. Et une enveloppe. Une très belle enveloppe. Une enveloppe de voix. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage requis. C'est la deuxième heure de votre émission du retour en pièces particulièrement détachées. De plus en plus, d'ici à la fin de la session, on va se déconstruire, je dirais. Mais de moins en moins dans l'émission ici, parce que là, on est dans la partie compréhensible de l'émission. Ah, la partie historique, la partie expliquée en étapes faciles à suivre. Est-ce qu'il y a un sommaire et un glossaire avec ça? Non, malheureusement, ni d'index. On va essayer de faire son possible. Il y a beaucoup de majeurs, par exemple. Non. Oh, oh, oh, non, je sais. Oh, oh. Ça voulait rien dire. C'est un peu comme de la gomme au steak ou d'autres blagues des Denis Drolet. Ça n'a juste pas de sens. De la gomme au steak. Gomme au steak. Ouais, ça, je comprendrais que ça n'ait pas de sens. Là. La gomme au steak, ça doit pas goûter très bon. Ben non, Colin, là, à un moment donné, bon. Donc, Simon Fitzbé qui vient d'arriver pour sa chronique Paul is Dead, on l'a dit, lui, il va remettre de l'ordre là-dedans, dans ce place-là. À un moment donné, il va reconstruire ça, il va nous mettre ça de rette, toi. De zéro à tout. De zéro à 89.1. Tu vas nous administrer ça, toi, cette chronique-là. On va faire son possible. C'est ça. Eh bien, messieurs, aujourd'hui, je viens vous parler d'un grand personnage, Monsieur Frank Zappa. Qui est Frank Zappa? De son vrai nom, François Zappet? Même pas. Non. Son vrai nom, c'est Frank. Et en partant, c'est ça qui est le plus drôle avec ça, c'est que bien souvent, des gens pensaient que c'était Francesco ou des autres connotations qui ont rapport avec Frank ou bien Enrique, tu sais. Ça. Mais non, son nom, c'est Frank, tout simplement. Zappa, mais c'est d'origine italienne. Mais c'est jamais vraiment très bien expliqué. Là, j'ai lu son autobiographie au départ et c'est les premières choses qu'il dit d'abord. Il dit « Mon nom, c'est pas Francesco, c'est pas Francis, c'est Frank ». Son père l'a appelé Frank. Son père avait pas de goût. Non, mais tu sais, c'est comme si ta mère t'appelait Matt. Ben oui, mais ça arrive des fois, des Alex, là, tu sais, qui ont juste le nom Alex, mais ils n'ont pas Alexandre. Ben, Alex, c'est pas pire, surtout pour une fille. Alex avec un E à la fin, oui. Ça, c'est très beau. Oui. C'est comme, tu sais, si la mère à Kiwan l'avait appelé Ki. Ou Kiki! Ouais, Kiki! Kiki! Oh, Kiki! Ça serait vraiment cute, hein? Ouais. Cute! Kiki! Kiki cute! Non? OK. Il pourra pas. Non. Tant pis. Bon, revenons à notre sujet. Oui, donc Frank Zappa, qui est quand même quelqu'un d'assez impressionnant dans sa carrière complète. C'est un gars qui, en moins de 30 ans, en fait, une carrière d'environ 30 ans, puisqu'il est décédé dans les années 90-1993, il a commencé sa carrière à la fin des années 60. Donc, pendant toute cette période-là, dans à peu près 30 ans, il a lancé 30 albums. 30 albums, qu'est-ce que je dis là? Le double. Au moins 60 albums. 60 albums. Ouais, si on ne compte pas les posthumes, parce qu'il y en a eu une flopée de posthumes par la suite. Les best-of, les compilations. Les best-of des compilations également, qu'on peut compter là-dedans. Également, Frank Zappa est un musicien de jazz, un musicien de musique électronique, un musicien de rock psychédélique, un musicien classique avec sa musique concrète, bien sûr. Il a également fait des films, des vidéoclips. Il a fait à peu près tout ce qui touche au niveau de la culture américaine, la contre-culture, il faut le dire, parce que c'est pas du grand public. C'est très, très alternatif même, et surtout dans les années 60, il était dans les premiers de son genre à faire ça. Et c'est ce qui est vraiment donc très intéressant de son côté. Et on débute tout de suite donc avec son adolescence, disons, où il y a vraiment eu donc l'épiphanie de la musique. C'est lorsque, avec des amis, il allait dans des magasins de disques et essayait de trouver des disques pas trop chers, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et il y avait, entre autres, vous savez, les petites boîtes là, dans les magasins de disques, là, c'est usagé. Mais on n'a pas vraiment connu ça, nous autres, avec les grosses chaînes. Des bins. Ben oui, ouais, chez magasin quelconque, grande surface, ils ont des bins avec des rabais. Ben oui. Un peu le même genre. Les DVD à 4$ chez... Pour avoir ça de plastique avec un trou dedans. Mais c'est un peu semblable, tu sais. À cette époque-là, en fait, c'est qu'on avait des disques qui étaient soit des démos de compagnie ou des disques pré-écoutés qui avaient donc été joués en magasin. On essayait de les vendre. Et un de ces jours, Frank Zappa, qui rentre dans le magasin, lui était percussionniste à l'époque, jouait de la batterie un petit peu, jouait surtout du tambour, parce que la batterie comme telle n'était pas l'instrument qu'on connaît aujourd'hui. Et il rentre là-dedans et tombe sur un disque qui s'appelle Le Désert, Desert, de Edgar Varèse, qui est un musicien classique, mais qui avait une façon de composer qui est très, très contemporaine, c'est-à-dire qu'il enregistrait avec des orchestres, mais il enregistrait également des échantillonnages de sons sur des bandes électroniques et faisait jouer le tout des bandes magnétiques, dans le fond, comme des cassettes, mais avant ça, là, des tapes. Des tapes, exactement. Donc, c'était de la musique classique avec des tapes, tout simplement. Et il s'est mis tout de suite à trouver que c'était une très, très bonne musique, un très, très bon style de musique. Et c'est vraiment très éclectique. Là. C'est atonal. Il n'y a pas vraiment de mélodie comme telle de discerner dans la musique. C'est expérimental un peu, presque. Très expérimental. Edgar Varèse, c'est un des maîtres de l'expérimental. Il s'est tenu un peu avec la clique dadaïste, des choses comme ça. D'ailleurs, Frank, lorsqu'il était jeune, sa mère, à peu près vers 14 ans, lui demande « Qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau de fête, François? » Est-ce que tu penses qu'ils ont chanté « Zappy Birthday » Oh! Ouais, t'as pas mal. Pas pire. En fait, sa mère, il lui demande qu'est-ce que tu veux avoir pour ta fête. Il dit, ben, j'aimerais ça, avoir le droit de faire un appel à longue distance. Et il a appelé Edgar Varèse. Il lui a parlé pendant 15 minutes. Donc, Edgar Varèse a raconté un peu sur les pièces sur lesquelles il jouait, comment il voulait commencer dans le. Commencer ses futures pièces qui allaient sortir, donc avec les échantillonnages et tout. Par la suite, dans les années 50 et 60, lors de sa jeunesse, il a appris également à jouer de la guitare, d'autres instruments, un petit peu de piano, des choses comme ça. Et donc, il se faisait engager, entre autres, comme musicien dans des groupes de R&B. Parce que, comme il l'a dit dans sa biographie, le rock and roll n'existait pas à cette époque-là. C'était du R&B, c'est-à-dire, vous savez, musique des années 50, très, très afro-américaine, qui se rapproche beaucoup du blues. Et c'est un style de musique qu'il aimait bien, sauf qu'il ne trouvait pas qu'il pouvait faire assez de choses avec ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, sa première apparition télé était au Van Dyke, Dick Van Dyke Show, exactement. C'était un talent show, dans le fond, c'est des gens qui allaient faire des choses, quelqu'un, mettons, qui est capable de souffler jongler, dans des bouteilles, faire du son, jongler. C'est comme du talent à revendre, mais dans le temps. Ouais, exactement. Puis t'avais pas des gros prix non plus à la fin. OK, c'est plus comme relever le défi de bord. Ah. Oui, un peu semblable à ça. Okay. Et le jeune Frank, avec les cheveux très courts, très bien placés, pas de barbe, rien, parce qu'il est connu, entre autres, pour sa moustache et ses cheveux longs. Son look de poilu. Oui, exactement, on y reviendra plus tard. Mais donc, un jeune Frank Zappa, bien mis, se présente au Dick Van Dyke Show. Bien mis, hein, c'est... Ouais, c'est une façon de dire bien habillé, bien... Ça se présente au Dick Van Dyke Show. Ouais. Dick Van Dyke Show, bien mis. Yes, sir. Et donc, comme je le disais, il se présente et il a joué du vélo. Simplement. Et il a joué du vélo avec des baguettes et donc il jouait sur le vélo. Avec sur une roue, là. Sur le vélo, il tapait, c'est sa musique concrète qu'il présentait à ce show-là. Et d'ailleurs, l'extrait sur YouTube est tout le long, Dick Van Dyke comprend rien et rit de lui totalement. Et lui, bon, joue sa musique et est très content d'être là. Et donc, par la suite, ça continue à se développer un peu, ce côté assez divergent musicalement parlant pour la scène mainstream, comme on appelle les grands... Grand public, exactement. Et en 1965-66, il décide de créer son propre groupe qui se nomme les Mothers. Et à cette époque-là, Frank ne joue même pas d'instrument, il dirige le groupe. Et c'était un des premiers groupes rock and roll qui était dirigé par un chef d'orchestre. Il composait toutes les pièces, composait également toutes les paroles, mais ne chantait pas. En fait, il chantait un petit peu, mais c'était surtout le chef d'orchestre du groupe, c'était lui qui faisait tout. Travaillait également dans le studio à remixer les pièces, donc à faire des petits trucs du genre. Et sort plutôt paraît le tout premier album des Mothers of Invention, The Freak Out, en 1966-67, dépendant d'où est-ce qu'on était. Et c'est un album qui est Freak Out, qui le dit Freak. Et d'ailleurs, on peut voir sur la pochette de cet album-là, les gars avec des barbes, les cheveux longs, habillés en manteau de fourrure ou vraiment habillés des t-shirts sales, pas propres. Vous savez, à l'époque du psychédélisme où tout le monde s'habillait en costume style Beatles, très bien habillé. Mm-hmm. Eux vraiment étaient divergents et c'est un peu la clique de Los Angeles qu'on appelait. Parce qu'il y avait la clique de San Francisco, les psychédéliques de San Francisco, c'est-à-dire Mamas and the Papas, Jefferson Airplane et tout ça qui était vraiment acide, psychédélique à fond. Et tu avais la scène de Los Angeles qui était un peu plus freak. Donc tous les gens qui avaient... Un exemple. Toute dernière pièce de l'album dure 20 minutes. Son nom m'échappe parce que j'ai pas l'album devant moi. Mais Frank, donc, il restait 500$ sur le budget. Frank a décidé d'aller dans la rue chercher tout le monde avec des cheveux longs qu'il pouvait rencontrer sur Hollywood Boulevard. Il les a emmenés. Ils ont loué 500$ d'instruments percussions et ils ont enregistré une pièce de 20 minutes de musique concrète. C'était un peu laissez-vous aller, on va faire des freak out. OK, donc la musique concrète, c'est ça, c'est des gens qui font. Ben, c'est, normalement, habituellement, t'as une trame derrière, mais ça, c'était un peu plus abstrait. Okay. C'est vraiment, on fait n'importe quoi et on arrange ça par après dans le studio. Et donc, c'est les Mothers, entre autres, par la suite, ont enregistré un autre album qui se nomme We're Only In It For The Money. Et la pochette de cet album-là est assez locatrice. Locateur? Ça veut dire quelque chose, c'est qu'en fait, ils ont repris pratiquement figure pour figure la couverture de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles. Il y a plein de gens dans une Plein de gens, oui, exactement. Ouais, c'est le genre de funérailles. En tout cas, c'est une grosse foule avec des photos en arrière. Et entre autres, donc, nous avons Jimi Hendrix qui était là pour la prise de photo de la couverture. Il est un ami de Jimi Hendrix, on peut y revenir tantôt. Mais donc, c'est un album assez important. Et d'ailleurs, là, je vous ai emmené une pièce de cet album-là à écouter qui se nomme Let's Make the Water Turn Black. Donc, ce qui se retrouve sur cet album We're Only In It For The Money des Mothers of Invention et Frank Zappa. Vous êtes dans le bloc Paul Is Dead de Simon Fitzbay. Now believe me when I tell you that my song is really true. I want everyone to listen and believe. It's about some little people from a long time ago. And all the things the neighbors didn't know. Early in the morning, Daddy Dinky went to work, selling lamps and chairs to San Bernardino Squares. And I still remember Mama with her apron and her pad, feeding all the boys at Ed's Cafe, whizzing and pasting and pooting through the day. Ronnie helping Kenny, helping burn his boots away. And all the while on a shelf in the shed, Kenny's little creatures on display. Ronnie saves his noomies on a window in his room, a marvel to be seen, dysentery green. While Kenny and his buddies had a game out in the back, let's make the water turn black. We see them after school in a world of their own. To some it might seem creepy what they do. The neighbors on the right sat and watched them every night. I'll bet you'd do the same if they was you. Whizzing and pasting and pooting through the day, Ronnie helping Kenny, helping burn his boots away. And all the while on a shelf in the shed, Kenny's little creatures on display. Ronnie's in the army now and Kenny's taking pills. Oh, how they yearn to see a bomber burn. Color flashing, thunder crashing, dynamite machine. Wait till the fire turns green. Wait till the fire turns green. Wait till the fire turns green. Donc c'était la pièce. This be a little bit of vocal teenage heaven right here on Earth. C'est ça le freak out. Oui, c'est le freak out, exactement. C'est le style de psychédélisme qui était utilisé par les Mothers of Invention. Entre autres, cet album-là, We're Only In It For The Money, est le meilleur des Mothers of Invention, bien que le premier freak out est très, très bon. La différence, c'est que celui-là, on pousse un peu plus loin. Donc, on est un peu moins rock, on est plus psychédélique. Et justement, on se permet des petites pièces. Il y a une pièce, entre autres, de 17 secondes. Il y en a une autre aussi, que c'est une femme qui répond au téléphone et qui parle. T'entends juste elle, t'entends pas la conversation à l'autre bout du fil. C'est des choses comme ça. Il essaye des affaires différentes. Oui, exactement. C'est très expérimental. Et donc, les Mothers of Invention continuent à faire des concerts et donc déménagent à New York, entre autres, après avoir enregistré à Los Angeles. Et c'est là qu'a été enregistré, entre autres, We Only Need For The Money et les autres albums par la suite. Et en 1969, Frank Zappa décide de s'en retourner un peu plus dans le coin de Los Angeles. Il commence également donc à travailler à partir de chez lui. Donc, c'est bâti un studio, travaille à partir de ses propres enregistrements et décide de lancer son premier album solo, qui se nomme Hot Rats, qui est un album excellent en passant. Très, très bon album de Frank Zappa. Selon moi, un des meilleurs. Un des 30 meilleurs au moins. Oui, un des 60, 30 meilleurs mais... sur 60, c'est ça. Tu sais, on peut en avoir beaucoup. mais donc, très, très bon album. Beaucoup plus jazz, fusion, rock que psychédélique pur, un peu comme les Mothers. Et en même temps, Frank était un peu tanné des Mothers parce qu'il n'aimait pas vraiment être le boss. Parce que donc lui, il avait des visualisations, il avait des idées de choses à faire et les autres, bon, on le faisait pas. Et aussi, un autre problème, c'est que Frank Zappa ne prenait pas de drogue. Et les autres membres du groupe prenaient du LSD, de l'acide, de la marijuana, de toutes les drogues qui étaient vraiment populaires à cette époque-là. Ils les expérimentaient en groupe. Et ils n'étaient pas indie dans leur drogue, eux autres. Ils ne prenaient pas des drogues marginales que personne prend. Et non, ils étaient assez mainstream dans ce côté-là. C'est ce qui a un peu frustré Frank Zappa. Il a décidé donc de séparer le groupe, tout simplement. Il a dit, moi, j'en ai assez, je m'en vais. Essayez de vous arranger, finalement. Ils sont retournés chez eux, toute la gang, ils n'ont rien fait. Ça a fait patate. Ouais, pas mal. Et par la suite, donc, commence sa carrière solo de Zappa. Il y a eu un retour des Mothers, mais ce n'est pas nécessairement le plus important là-dessus. Par la suite, donc, il y a, entre autres... ça, c'est une histoire assez géniale. Il était de retour avec les Mothers en 70-71. Et il a fait... un concert qui était à Londres au Rainbow Theater et il est tombé en bas du stage, Frank Zappa. Okay. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que sa voix a baissé d'un demi-ton. Hein? D'un demi-ton, mais d'un octave à peu près. OK. En tombant tout le temps. Oui. Il s'est frappé les cordes vocales et ça a fait que sa voix était devenue plus basse. Eh ben. Il y avait une voix plus aiguë, on l'entend même dans les albums, c'était plus haut et là, c'est vraiment plus bas. Et donc, vient un peu plus... le goût de chanter de Frank, justement, parce qu'il y avait une voix beaucoup plus sirupeuse. C'est comme quand t'as le rhume, là, tu veux vraiment parler plus. Genre, ta voix est sexy. Oui, effectivement. J'aime bien animer quand j'ai le rhume. Ça, je peux le mettre sur la moumoute du micro, puis tout le monde le pogne après. C'est ça qui est le fun, mais au moins, t'es pas tout seul à souffrir. Ben oui, c'est ça, exactement. On souffre en groupe. Et donc, sa voix baisse d'un ton. Il se retrouve également un peu une passion pour la guitare. Donc, on savait qu'il jouait déjà la guitare, mais il jouait pas avec le groupe. Et là, en jouant seul en studio, s'est mis à beaucoup pratiquer et donc a réussi à prendre une certaine dextérité. Entre autres, il y a une guitare que Jimi Hendrix lui avait donnée, c'est une des nombreuses guitares qu'Hendrix a détruites sur scène et il a décidé de prendre cette guitare-là. Et quand Jimi Hendrix est décédé, il l'a toute recollée, l'a remontée totalement et c'est devenu sa guitare avec laquelle il jouait le plus souvent sur scène. T'es en train de dire que Jimi Hendrix a donné comme cadeau au gars une guitare brisée. Ouais. C'est fun. Effectivement. Et d'ailleurs, il y a une belle anecdote avec ça. Lorsqu'il restait à New York avec sa femme, donc fin des années 60, dans le temps que les Mothers étaient là-bas aussi, Jimi Hendrix s'est arrivé un moment donné chez Frank Zappa, il se connaissait donc de par personne interposée. Jimi Hendrix est arrivé stone, et à ce qui paraît dans son autobiographie, Zappa dit qu'il était très stone, et il avait un trou dans ses pantalons verts, et la femme de Zappa tout simplement recousu le tout. Et c'est aussi dans la même période qu'ils ont fait la photo, et c'est pour ça que Jimi Hendrix se retrouve sur cette photo-là, et il a l'air stone. Il n'a pas l'air là, ça a l'air d'une statue de cire, mais à cette époque-là, il n'y en avait pas encore de Jimi Hendrix. Mais au moins, ses pantalons sont bien reprisés. Oui. Ben, c'est assez spécial de se dire qu'il est venu parler de tout et de rien, il n'y avait rien de spécifique à dire. Il disait, j'aurais été voir Frank Zappa. C'était une attraction un peu Frank Zappa. C'est ce qui m'amène un peu à parler justement de ce côté freak. Parce que le gars, Frank Zappa, toujours, malgré tout ce qu'il a fait, malgré sa vulgarité, parce que c'est un gars qui est extrêmement vulgaire sur certaines chansons, il s'en prend entre autres bien souvent aux Juifs. Non pas aux Juifs, plutôt aux... comment on dit? Les Jewish Princess. C'est les filles juives qui sont à peu près dans l'adolescence et que leurs parents sont riches. Un peu, pour vous donner un exemple d'une Jewish princess parfaite, Paris Hilton. Okay. Ça, c'est une Jewish princess. Et il a toujours été un peu contre les Jewish Princess. Il s'attaquait, entre autres, dans ces pièces-là, à eux. Il s'attaquait à tout plein de genres et surtout aussi aux valeurs des gens. Et il ne dérangeait pas, en fait, de sacrer sur les albums, vraiment d'être très vulgaire, de parler donc tout simplement de sexe oral, sexe anal, sexe n'importe quoi. Mais pourtant, c'est un gars qui n'était pas vulgaire dans la vie. Frank Zappa était un gars très conservateur, très, très relax. Et d'ailleurs, je disais qu'il prenait pas de drogue. Il disait dans son autobiographie, « J'adore fumer, l'acte de fumer, fumer la cigarette. » C'est un fumeur invétéré. Il dit, « J'ai essayé de fumer des joints de marijuana peut-être à peu près 10 fois dans ma vie, entre 67 et 69. » Et lorsque je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, ça me faisait pas nécessairement quelque chose de bien. J'avais mal à la gorge. J'ai arrêté. Il dit, si j'aurais aimé ça, le thrill, probablement j'aurais continué. Mais tout ce qui est autre drogue, je disais que les autres et les Mothers étaient sur l'acide et tout, c'est vrai, mais lui, il n'en prenait pas, dans le fond. Donc, c'est un mythe qu'il a essayé de perpétuer parce qu'il pognait avec les freaks. Il était, sa base sur son public, c'était des gens qui prenaient de la drogue, qui écoutaient sa musique en se droguant ou en étant vraiment très, très vulgaire, très, très dégueulasse. Et donc, il a essayé d'entretenir ça. Et entre autres, il y a eu aussi une autre rumeur, un mythe, une légende, un peu le but de la chronique, entre autres, qui veut qu'à la fin des années 70, il est... comment dire ça dans des mots pas trop vulgaires? Il aurait déféqué sur scène. OK, c'est pas vulgaire du tout. Non, ben déféqué, non. C'est un mot... médical. Il aurait repris le résultat de son acte et l'aurait dégusté sur scène devant les gens. Et malgré que plusieurs personnes disent avoir vu ça... tout ce qu'il dit, c'est que c'est faux. Il n'aurait jamais fait ça. Et d'ailleurs, c'est Alain Lefebvre ce matin qui contait l'anecdote. Steve Vai, qui est un très, très grand guitariste, a joué avec Frank Zappa un peu vers la fin de sa carrière, mais la fin de la vie à Frank Zappa dans les années 80. Et il disait, lorsque je l'ai rencontré, ça m'a tenté d'y demander si c'était vrai, s'il l'avait fait. Puis il disait, après peut-être 2-3 shows, 2-3 semaines de temps avec lui, je me suis rendu compte que c'était impossible. Parce que Zappa, justement, était du genre à faire des concerts, s'en aller se coucher tout de suite après. T'sais, il allait pas dans les parties, parce que bon, en tournée, habituellement, il y a toujours des parties après les shows, des groupies qui viennent. Lui, il finissait, s'en allait se coucher, il pensait à retourner le lendemain ou tout simplement, il allait composer dans sa chambre jusqu'à temps qu'il s'endorme. Il n'allait jamais aux toilettes en plus. C'est ça qu'un fait que les gens ne savent pas, il allait pas aux toilettes. Juste sur scène. C'est ça, juste sur scène. Ouais. Il ne mangeait pas. Non, jamais. Non, mais il disait qu'il mangeait des saucisses grillées. Mais ça, on peut y revenir après parce que ça vient plus tard. Okay. Mais justement, donc, question de tout remettre ensemble, on va aller entendre une pièce qui se nomme Peaches and Regalia, qui était sur l'album Hot Rats de 1969. Qui est une excellente pièce de Frank Zappa. On écoute ça dans la chronique Paul is Dead de Simon Fitzbay. Assemblage requis! Thank you. Donc, c'était la pièce Peaches and Regalia de Frank Zappa, tirée de son album Hot Rats de 1969. Toujours à Assemblage Requis, toujours la chronique Paul is Dead sur Frank Zappa. Et effectivement, on parle de ce personnage, curieux personnage. Et comme je disais aussi, donc, on parlait de la mode freak. Hein, Frank Zappa avait les cheveux longs, la moustache. Et ça, c'est très, très significatif. Même il y a des chandails de fans de Frank Zappa que c'est juste sa moustache et son petit pinch en dessous. Il y a des gens qui se font tatouer une moustache sur le doigt aussi puis qui mettent ça en dessous du nez. Tu peux tatouer une moustache sur le doigt ça, si tu veux vraiment que la joke soit longue. Parce que... Tu t'aimes pas du tout de ça. Mais pourquoi sur le doigt, pas juste dans la face? Ce serait drôle de se faire tatouer une moustache dans le visage. Oui, oui, ben il y en a qui se font tatouer des sourcils. Hein? Ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, ben oui. Comme Robert Lepage. Ah ouais? Ah. Ouais, mais lui, il souffre d'une maladie. Pas de cheveux, pas rien. Ah! Je pensais qu'il y avait des gens qui n'avaient juste pas de sourcils. Là. Tous les autres poils seraient là. C'est bizarre comme maladie. Ouais, mais c'est comme imberbe, là. En tout cas, l'alopécie, ça s'appelle. Ah, ah, ah. Bon, on continue. Est-ce qu'on continue? On continue pas, on arrête. On peut continuer. Continue d'en voir. Oui, donc, je parlais de Frank Zappa, entre autres, qui était un bon guitariste. Vous avez pu l'entendre là-dessus. Entre autres, c'est lui qui fait les pièces de guitare. Malgré que lorsqu'il faisait en concert, il dirigeait le groupe encore. Il y avait beaucoup de musiciens, entre autres, qui ont joué pour lui. Des noms... J'imagine qu'ils vous diront peut-être pas quelque chose, mais quand même, il y a eu Terry Bozzio qui a joué pour lui, Vinnie Colaiuta, qui sont deux très grands batteurs de style jazz fusion qui ont commencé un peu leur carrière avec Frank Zappa. On retrouvait également donc une pléiade de musiciens, Captain Beefheart, qui était un de ses meilleurs amis, qui jouait du saxophone et qui chantait également sur certaines de ses pièces. Et Steve Vai, entre autres, qui est un des grands guitaristes maintenant, technicien plutôt, c'est pas nécessairement un showman, mais c'est quelqu'un qui joue de la guitare comme un dieu, qui a entre autres appris à jouer avec Frank Zappa et sa méthode un peu concrète de jouer de la guitare. Et oui, et donc par la suite, on parlait de sa carrière des années 70 où il a commencé plus à chanter, à jouer de la guitare et également. Donc c'était vraiment une attraction assez unique entre autres de voir Frank Zappa jouer et faire des folies sur scène, entre autres mimer l'acte de déféquer et de manger son propre truc. Entre autres, donc, si on réussit à trouver des pièces qui sont faites sur un spectacle, c'est assez intéressant. Il y a eu des albums qui se nomment You Can't Do That on Stage Anymore, que c'est Frank Zappa donc, qui fait des concerts. Et donc, très intéressant. C'était une belle attraction à l'époque. Il a également été un artiste indépendant. Il a commencé sa compagnie de disques Zappa en 1979, où il produisait lui-même ses propres albums. Les premiers albums qui sont sortis de là, ce sont probablement ses plus gros albums à vie, au niveau popularité, niveau carrière. On parle de l'album Shake Your Booty. Et là, c'est un jeu de mots, shake comme un shake, et ouais. Your Booty. Ah. Booty du sens derrière, de... Ouais, derrière, shake your booty. Donc, comme quand tu fais des besoins, mettons, tu te brasses le... Ouais, ouais, dans un sens. L'album est enveloppé dans du papier de toilette aussi, ouais, quand tu l'achètes. Ouais. Mais en fait, c'est que à la fin des années 70... 70? 70! Ce serait un très bon nom d'émission, oui, ça, les années 70. Les années 70. On fait ça la semaine prochaine, Kiwan? Parfait. Après Assemblage Requis, là. Pourriez-vous habiller en brun, genre, avec des soutes, tu sais, en brun avec un genre de cossin blanc par-dessus, comme Damien Robitaille sur son album. Oui. Porter la moustache aussi comme lui. Ouais. Bonne idée. Pas fou. Et donc, pour reprendre, c'est qu'à la fin des années 70, surtout, Frank Zappa était un peu accablé par le disco. Il était pas un grand fan de cette mode-là qui était le disco. Je pensais qu'il aimait ça, je me disais. Non, il me semble, c'est... non, c'est ça. Et donc, entre autres, il y a eu cet album-là, Shake Your Booty, qui est paru. On retrouve également Joe's Garage, qui est un album qui est paru à la fin des années 70, aussi sous compagnie de disques. Ouais. Ouais. Sa maison étiquette de disques, mettons. Oui, exactement. Ouais. Son étiquette, c'est un album triple, Joe's Garage, qui, très bon premier album, très bon premier disque, qui avait paru en premier. Les côtés, en fait, les deuxième et troisième disques ont paru un peu plus tard. Je dirais concret comme musique. C'est assez impressionnant quand même. Donc, des solos de guitare qui n'ont aucun sens, des choses comme ça. Et par la suite, donc, il y a eu, entre autres, première nomination Grammy légitime avec la pièce Dancing Fool avec laquelle on a terminé tout à l'heure. Il y a eu Jewish Princess qui a été enregistrée sur l'album Shake Your Booty également. Et donc, des très bonnes pièces qu'on retrouve sur ces albums-là. Et dans les années 80 également, Frank Zappa donc, a connu un certain succès, surtout avec son ironie. Là, on avait passé du musicien jazz, fusion, rock, concret, au gars qui faisait des pièces un peu humoristiques, satiriques beaucoup dans les années 80. Et c'est ce qui vraiment aussi a attiré le public vers lui dans les années 80, qui a fait qu'il est resté populaire tout au long. D'ailleurs, du côté plus scénique, en dehors de la musique, il a entre autres participé à une émission de Saturday Night Live dont il était l'animateur et c'est vu par plusieurs comme le pire épisode de Saturday Night Live qui a jamais été fait en 1976-77 parce qu'il était pas sérieux premièrement, il a tout le temps le fou rire et il était accompagné de son band tout le long de ses animations, chose qui était très bien. Toutes les parties musicales étaient géniales, mais les parties où il jouait, entre autres, il y a un sketch avec les Conads. Et c'est n'importe quoi. Franchement, là, c'est vraiment le pire sketch que j'ai vu à Saturday Night Live. Il est pire que Christopher Walken. OK, puis c'est pire que le film des Conheads. Oui, ça, j'ai même pas vu le film. Non. Ça doit être vraiment être mauvais. Hein. C'est ouais. Mais c'est un film de Saturday Night Live. Hein. C'est rarement très, très bon. Hein. Wayne's World. Oui, à part Wayne's World. Ouais. OK. New Roxbury. C'est bon, ça aussi? Ouais. Ouais. Donc... Ouais, on se fait hacher la tête, là. Oh. Ouais, à radio, c'était carré. Faudrait que vous ayez au temple sortir. Ben oui. Danser sur le dance floor. Quoi de neuf? Moi. Et donc, par la suite, ce qui resterait à expliquer un peu, c'est la fin des années 80 avec on part des hits. Tout simplement qu'il a fait, entre autres, j'avais pas parlé de Valley Girl aussi, qui est une pièce qu'il a enregistrée avec sa fille, qui justement, on reprend un peu le thème donc, de ces Jewish princesses-là, un peu à la Paris Hilton, là, qui vivent dans la vallée de Los Angeles. Ouais, c'est quelle vallée exactement? Ouais, ben, c'est pas la Silicon Valley. De vallée, habituellement, c'est tout le temps genre à Los Angeles, dans le coin, la vallée d'Hollywood, tu sais pas tu? Hollywood Valley. West Beverly, je sais pas quoi. Silicon Valley. Non, sûrement pas Silicon Valley. San Bernardino, en tout cas. Il a décidé de se mettre à la composition classique parce que Frank Zappa au départ donc tripait beaucoup sur le classique, a voulu se retourner là-dedans et faire de la musique entre autres très très expérimentale et concrète. Et il y a eu d'ailleurs des albums de classiques qui ont paru, Orchestra Volume 1, Orchestra Volume 2, qui est avec tout simplement l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Kent Nagano, qui est maintenant directeur de l'OSM. C'est lui qui a directé le tout. Ben oui, direct. Oui, pour avoir les albums chez moi, je peux vous dire que c'est très bon, ça sonne très bien, c'est très Zappa justement, c'est assez éclectique, sauf qu'il a détesté enregistrer avec l'Orchestre Symphonique parce qu'il dit les musiciens d'Orchestre Symphonique, c'est encore pire que les musiciens de rock parce qu'ils ont droit à des pauses syndicales, ils peuvent pas jouer plus que tant de fois avant le concert, les répétitions habituellement t'en as une avant, si tu veux les enregistrer, il faut absolument qu'il y ait un concert après parce que sinon ils ne veulent pas enregistrer, ils enregistrent d'une façon X et... Donc, il a détesté le tout et c'est là qu'il a découvert le synclavier qui est un peu la suite des synthétiseurs du style, et là je cherche le nom, Mellotron, qu'on avait dans les années 70, qui était des grosses boîtes où on avait des bandes magnétiques avec des enregistrements de son et on jouait donc des musiques symphoniques là-dessus. Et donc, Frank Zappa a travaillé sur le synclavier pour ses compositions et a entre autres fait paraître un album qui se nomme Francisco Zappa, justement pour rire un peu des gens qui l'appelaient Francisco ou Francis, et c'était donc, il se faisait passer pour un compositeur des années 1700 même. Avec ça. Il y a eu ensuite l'épisode du PMRC, vous savez, donc simplement les femmes qui étaient contre... Ouais, les femmes qui étaient contre la musique et pour la censure. On en avait parlé, c'était la semaine passée. Ouais. Ouais, donc, on va passer par-dessus. Là, il était présent là et c'était... il n'était pas très, très heureux de cette tentative de censure-là et donc il a essayé de travailler là-dessus pour ne pas y aller. Et ensuite, nous avons les apparitions télé. Les apparitions, t'en as fait une sans vouloir. Hey, oui, hey, c'est pas pire, hein? Les apparitions télé, en fait, ce qu'on peut dire qui est apparu dans le show de Ren and Stimpy. Donc, ah, il oui, fait des voix. Et oui. Il a joué une scène dans Miami Vice. Dans Ren and Stimpy, est-ce qu'il a chanté Zappy Happy Joy? Tu sais, Zappy Zappy Joy, Joy? J'ai jamais écouté... C'est vraiment super bon, Ren and Stimpy. Puis il y avait une chanson, c'était Happy Happy Church. Faudrait que je me mette à écouter ça éventuellement. J'ai écouté les traductions françaises. Ouh, c'était-tu quoi? Genre Bonheur, Bonheur, Joie à Jouer? Je me rappelle pas de cette pièce-là. Ouais. Mais bon. Et il devait faire une voix dans Les Simpsons également. Malheureusement, il l'a jamais réalisé. Il voulait aussi être... se présenter à la présidence des États-Unis en 1992. Donc, l'élection où Bill Clinton a gagné pour la première fois. Lui qui est un conservateur quand même assez... Et conservateur autant dans ses valeurs que dans ses visions politiques. C'était pas un républicain pur et dur, mais quand même, il avait des opinions. Donc, mais il était quand même bizarre dans ses... Admettons, il éduquait pas ses enfants nécessairement de la façon qu'il voulait que le monde soit en général, c'est-à-dire conservateur. Ses enfants, entre autres, Moon Unit, sa fille, une de ses filles se nomme Unité Lunaire. Moon oui. Unit, oui, Unité Lunaire. Un de ses fils se nomme Dweezil. Bien sûr. Et là, je suis en train d'oublier les noms des autres enfants, mais c'est assez, assez particulier. Il y a une sa première fille, qui je crois c'est Moon Unit, a station été... balnéaire ou sinon, non? Non, je passe pas, mais il a été. Il a pensé en fait appeler sa fille Motorhead. Parce qu'il y avait un de ses amis qui, son surnom, c'était Tête de moteur, Motorhead. Et il a donc pensé appeler sa fille un peu en hommage à son ami. Finalement, ça s'est pas fait et c'est pas une de ses meilleures idées de toute façon. Mais donc, il y avait Moon Unit, Dweezil, je pense qu'il y avait Muffin quelque chose. Muffin pour ça. Ouais, Tops. C'est des noms assez... Camel Toe. Ouais, ça, c'est ouais. Mathieu. Ben, je sais pas. Ah là là. Ouais, je vois à la radio, j'avoue que, ouais. Donc, Moon Unit, entre autres, qui a participé dans certains enregistrements et, ouais. Donc voilà. Et Frank Zappa, donc, par la suite, dans les années, fin des années 80, début 90, est atteint du cancer de la prostate. Malheureusement, ne va pas très bien. Il commence à vieillir rapidement. Donc, le cancer ravage également. Et il n'a rien à faire. Il y a malheureusement rien à faire pour lui de ce côté-là. Et il décède en 1993, donc, du cancer de la prostate. Donc, ses dernières années ont surtout été composées autour de ses compositions classiques. C'est carré. Et oui, donc, dans les dernières années, entre autres, il y avait une pièce Yellow Shark qui était... c'était un hommage au requin, les auditeurs de l'assemblage requis, j'imagine. Ben oui! Ben oui! Ben oui, c'est lié là, lié. Tu m'emmèneras ça, la chanson, qu'on leur joue ça. Oui! On fera ça. Et donc, il faisait de la musique... On va jouer en même temps une femme d'expérience. Mais c'est de la musique... Ouais, mais l'affaire, c'est que c'est une musique classique contemporaine. Ah. Je pense pas que les gens vont aimer ça. J'ai pensé d'en emmener le pire, mais je me suis dit que non, ça marcherait pas. La première fois que j'ai écouté ça, j'ai eu peur du Zappa classique. Donc... Et donc, c'est ça. Et avant de passer directement à sa mort, ben, on peut aller entendre la dernière pièce que j'avais prévue. On a-tu le temps? Bon, on a toujours le temps. Bon, on a le temps, c'est bon. Ouais. Donc, on va aller entendre Dancing Fool, une pièce justement qui se moque un peu du disco de Frank Zappa, qui est paru fin des années 70. I don't know much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. Of course, not right along with them. I got no natural rhythm, but I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. I hear that beat, I jump out of my seat, but I can't compete, cause I'm a dancing fool. Disco folks all dressed up like this fit to kill. I walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. They has a fit while I commit my social suicide. I'm a dancing fool. Dancing fool. On and I'm so low. The beat goes on and I'm so low. together now with my very own disco clothes. Hey, my shirt's half open to show you my chain and the spoon for up my nose. I am really something, that's what you'd probably say. So smoke your little smoke, drink your little drink, while I dance the night away. I'm a dancing fool. Hey, darling, can I buy you a couple of drinks? Looking for Mr. Goodbar? Here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian. Huh? You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine? Yes. Et donc, c'était la pièce Dancing Fool de Frank Zappa, donc tirée de l'album Shake Your Booty, ou apostrophe, en tout cas. Très, très bonne pièce où on se moque un peu de la, du disco, là. C'est vraiment... le gars, ça va pas danser, maintenant, il sait danser. Et c'était un peu ce qu'on, pourquoi on présentait Frank Zappa aujourd'hui, donc l'homme mythique qu'il est, et décédé malheureusement en 1993 du cancer de la prostate, mais sa musique vit toujours. Quelqu'un qui ne vit pas toujours, par contre. Oui, ben, on sait pas. On sait pas, hein? C'est ce qu'on se demande, mais vous, vous entendez un peu ce qu'il joue en arrière. J'imagine à la maison, dans vos voitures, sur Internet. En balado-diffusion. Balado-diffusion aussi. Worldwide. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans l'océan. Ouais. Des lecteurs MP3 sous l'eau, ça existe. Ouais, maintenant ça existe. Ça marche avec les oreilles, les colimaçons. En tout cas, bref, c'est que en fouillant dans mes papiers de mythes et de tout ça, je me suis rendu compte qu'il y a un mythe en particulier que j'ai jamais abordé et j'en ai même jamais parlé. C'est dans le plus important. Et c'est le mythe fondateur du rock'n'roll. C'est celui qui a fait survivre l'industrie du mythe pendant tant d'années. C'est grâce à lui, si je reçois encore des payes aujourd'hui, de la fondation des mythes. Les Mythbusters, là, fondés par les Mythbusters. Oui, oui, bien exactement. Sûr. D'ailleurs, je suis invité la semaine prochaine à la Wilson. Ah oui? Mais oui, donc vous entendez, on va parler d'Elvis la semaine prochaine. C'est lui qui va venir terminer la saison de Paul is Dead. Live en studio. Live en studio. Elvis va être là. Il va dire « Thank you very much ». Ouais. Il va manger un sandwich aux bananes. Hey, je pourrais inviter André Baudet. Il fait un bon Elvis. Oui. Ouais. Il y a du talent. Oui. Donc, ben voilà. La semaine prochaine, ce sera Elvis, comme vous pouvez l'entendre. D'ailleurs. Moi, ça me fait triper, ça. Si jamais j'ai un band, je vais faire jouer ça en entrée. Je vais me louer un brass, dans le fond, un ensemble de cuivre. Puis tout ce qu'ils vont faire dans le show, c'est l'entrée, puis que moi, j'arrive sur scène. Okay. Et comme je chante mal, ce sera même pas moi le chanteur. Juste parce que j'arrive, ben... T'as-tu avoir un genre de suit en lycra, là, super moulant, puis avec un foulard? T'as... Peut-être pas en lycra, parce que le lycra ne me va pas très bien. Non, non, il est un peu indiscret de ma personne. Mais ouais. Peut-être autre chose, on sait jamais. Tu te dévoileras pas autant. Mais c'était pas du lycra que portait Elvis, c'était un jumpsuit style parachutiste. Ouais. Avec des petits diamants. Mais qui avait quand même le même effet là, au niveau du moulage. Oui, quand même. Il y avait un certain moulage qui était pas très très beau, surtout à la fin, là, lorsqu'il était très gros avec. Mais ça, justement, on en parlait, mais ça fait partie du mythe. Pourquoi qu'il a pris autant de poids? Sandwich aux bananes. Manger beaucoup de sandwich aux bananes. Ben oui, beurre de pinot, banane. C'était pas ça qu'il mangeait tout le temps, Elvis? Je sais pas. C'est pas justement ça, pour ceux qui ont sorti genre du beurre de pinot mélangé avec des bananes dans un pot, puis tu pouvais acheter ça. Ah ouais, comment ça, j'en vrai, ça existe. Ben oui. J'en veux. Okay, ouais. J'en avais aucune idée, mais moi aussi j'en veux maintenant. Hmm. Ouais. Je pense que c'est Nutella banane, mais bon, quand même. Bon, faudrait la semaine prochaine donc que je vous emmène des toasts aux bananes et beurre de pinot. T'amèneras le grille-pain, on n'a pas de grille-pain, c'est fou, c'est ça. Tu prendras un grille-pain qui fait des toasts d'Elvis avec la face d'Elvis. Oui! Ouais. Je suis sûr que ça existe, LP. Sûrement. Moi, j'en ai un qui fait des chevreuils John Deere, mais j'en ai pas pour Elvis, malheureusement. T'as chacun ses idoles, hein? Ah, voilà. c'est des chevreuils. Bon, ben merci, Simon. Ben, ça fait plaisir. Sur ce moment inconfortable, sans fond. Ben ouais. Ouais. Tu te sens pas bien. Quand même bien. Tu te sens pas bien, Mathieu. Moi, je me sens pas confortable. Ah non. Quand il n'y a pas de fond, c'est comme si tu étais tout nu. C'est ça. Tu sais que les lézards, ils ont deux pénis. Ah ouais. Les caméléons, leurs yeux sont pas dans le même socket. Mm. Ah, puis des sidekicks au pesto, ça sent bon quand ça cuit. Mais hein? J'avais le goût de dire ça. Tellement. Puis le popcorn à côté aussi. Ouais. Mm. Ouais. Non, on va aller en manger. OK. Pendant la pause. Ouais. Vous êtes à C'est Fou 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fou. Vous écoutez Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, oui, jusque dans environ une dizaine de minutes. Il ne nous reste pas grand temps ensemble, mais le temps de dire, parce qu'on ne l'a pas fait avant la pause, et c'est triste quand on ne le fait pas. Simon Fitzbé était avec nous et on le remercie. Il va être évidemment à la barre de On s'appelle, on déjeune demain matin entre 7h et 9h. Oui, on va le retrouver mercredi prochain, comme on le disait tantôt, avec une chronique sur Elvis pour la dernière. Mm-hmm. Et peut-être qu'on va le revoir aussi la semaine prochaine. Ben oui, hein. Si on va le réentendre peut-être dans l'émission ici. À un certain moment donné, je dirais. Peut-être. Mais on vous dira pas quand. Fait que écoutez tout le temps, genre. On écoute Waving Hand avec Bonne nuit, mon cœur. Ah, oh, wow. T'es toute jolie. As you say, bonne nuit mon cœur. Waving Hand et la pièce Bonne Nuit Mon Cœur. Et c'est ce qui termine cette édition d'Assemblage Requis. Oui, on se retrouve demain pour la dernière de la semaine avec, entre autres, Stéphanie Gagné qui va nous présenter son plat favori, comme à tous les jeudis. On va aussi avoir une nouvelle capsule évidemment dans la question. Tout à fait. D'ici là, ben, y a d'autres émissions sur les ondes de C'est Fou ce soir. Hein? La dernière porte à gauche, je vais suivre avec Kiwan dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu nous prépares, toi? Ah, des surprises là-dedans, Mathieu. Là. Des surprises pour tout le monde. C'est comme un œuf Kinder. Pareil. Après la dernière porte à gauche, il y aura En attendant avec Émilie Adam, puis Volteface, émission de rap à 19h et Psy-TR avec la musique électronique à 21h. N'oubliez pas demain matin d'écouter On s'appelle On déjeune avec Simon Fitzbé. Simon qu'on remercie d'ailleurs pour sa présence aujourd'hui. Moi, je vous retrouve demain à 10h à CNX.zip qui compresse la chronique, la critique, la crotique, si on veut, de Danny Janvier sur le jeu Heavy Rain. Ça va être demain donc à 10h, puis je vais être de retour pour les Palmarès 6 fois à 13h. Donc, vous manquerez pas de moi demain. Bande de chanceux, toi. On se quitte avec un petit peu de Tricot Machine, n'est-ce pas, Kiwan? Oui, on va écouter la pièce qui est sur le palmarès francophone de C'est Fou, donc une pièce que tu vas nous présenter demain entre 13h et 15h. Je crois rêver. Donc, c'est la pièce Défier les rites de Tricot Machine. Bonne soirée, Mathieu. Bonne soirée à tous les requins et Francis Martin. Bye. Bonne émission, Kiwan. Merci. Je suis sûr que tu vas être très, très bon. Malgré tout. Malgré tout. Ouais, ouais. C'est pas facile, hein? Sauvage, sans faire le ménage, je nous reconnais pas. On est sorti par derrière, on a fermé les lumières, libéré le chat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. L'ordre à sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite. On a sauté des clôtures, fait tomber des murs du bout de nos doigts. On a touché la nature, respiré l'air pur, retrouvé la foi. Qu'on n'avait pas chanté pour rien. Remis l'ordre à sa place, c'est tout ce dont il a besoin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. Remis l'ordre à sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite.